Partie 1. La lutte. 2. La force qui se brise. Rotta l'alta colonna. Michel-Ange sortit de ce travail d'Hercule, glorieux et brisé. À tenir pendant des mois la tête renversée pour peindre la voûte de la Sixtine, il s'était abîmé la vue de telle sorte que longtemps après, il ne pouvait lire une lettre ou regarder un objet qu'en les tenant au-dessus de sa tête pour les mieux voir. Il plaisantait lui-même de ses infirmités. « La peine m'a fait en goître comme l'eau en fait au chat de Lombardie. Mon ventre pointe vers mon menton, ma barbe se retrousse vers le ciel, mon crâne s'appuie sur mon dos, ma poitrine est comme celle d'une harpie. Le pinceau, en s'égouttant sur mon visage, y a fait un carrelage bariolé. Mes lombes me sont rentrées dans le corps et mon derrière fait contrepoids. Je marche au hasard sans que je puisse voir mes pieds. Ma peau s'allonge par devant et se ratatine par derrière. Je suis tendu comme un arc syrien. Mon intelligence est aussi baroque que mon corps, car on joue mal d'un roseau recourbé. » Il ne faut pas être dupe de cette bonne humeur. Michel-Ange souffrait d'être laid. Pour un homme tel que lui, épris plus que personne de la beauté physique, la laideur était une honte. On trouve la trace de son humiliation dans quelques-uns de ses madrigaux. Son chagrin était d'autant plus cuisant qu'il fut toute sa vie dévoré d'amour. Et il ne me semble pas qu'il ait jamais été payé de retour. Alors, il se repliait en lui et confiait à la poésie sa tendresse et sa peine. Depuis l'enfance, il composait des vers. Celui était un besoin impérieux. Il couvrait ses dessins, ses lettres, ces feuilles volantes de pensées qu'il reprenait ensuite et retravaillait sans cesse. Malheureusement, il fit brûler en 1518 le plus grand nombre de ses poésies de jeunesse. D'autres furent détruites avant sa mort. Le peu qui nous en reste suffit pourtant à évoquer ses passions. La plus ancienne poésie semble avoir été écrite à Florence, vers 1504. « Comme je vivais heureux, tant qu'il m'était accordé, amour, de résister victorieusement à ta rage. Maintenant, hélas, je baigne ma poitrine de larmes, j'ai éprouvé ta force. » Deux madrigaux, écrits entre 1504 et 1511, et probablement adressés à la même femme, ont une expression poignante. « Qui est celui qui par force me mène à toi ? Hélas, hélas, hélas, étroitement enchaîné, et je suis libre pourtant. Qui est ? Quel que per forza te mi mena. Oime, oime, oime, legato e stretto, e son libero e sciolto ? Comment est-il possible que je ne sois plus à moi ? Ô Dieu ! Ô Dieu, ô Dieu, qui m'a arraché à moi-même ? Qui peut plus en moi que moi-même ? Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu ! Come può essere ch'io non sia più mio ? Ô Dio, ô Dio, ô Dio ! Chi m'ha tolto a me stesso, che a me fosse più presso, o più di me potessi, che possio ? Ô Dio, ô Dio, ô Dio ! De Bologne, sur le dos d'une lettre de décembre 1507, ce sonnet juvénile dont la préciosité sensuelle évoque une vision de Botticelli. Claire et de fleurs bien serties, quelle est heureuse la couronne sur sa chevelure d'or. Comme les fleurs se pressent à l'envi sur son front, à qui sera la première à le baiser. La robe qui enserre sa poitrine et s'épand au-dessous est heureuse tout le jour. Le tissu d'or n'est jamais là de frôler ses joues et son cou. Plus précieuse est encore la fortune du ruban liseré d'or qui touche doucement d'une pression légère le sein qui l'enveloppe. La ceinture semble dire « Je veux toujours l'étreindre. Ah ! Et que feraient donc mes bras ?» Dans une longue poésie d'un caractère intime, une sorte de confession qu'il est difficile de citer exactement, Michel-Ange décrit avec une crudité singulière d'expression ses angoisses d'amour. « Quand je reste un jour sans te voir, je ne puis trouver de paix nulle part. Quand je te vois, tu es pour moi comme la nourriture pour celui qui est affamé. Quand tu me souris ou quand tu me salues dans la rue, je prends feu comme la poudre. Quand tu me parles, je rougis, je perds la voix et soudain, mon grand désir s'éteint. Puis, ce sont des gémissements de douleur. Ah, souffrance infinie qui déchire mon cœur. Quand il pense que celle que j'aime tant ne m'aime point, comment vivre? Ai, che doglia infinita! Senti il mio cuor quando li torna mente che quella ch'io tant'amo, amor non sente. Che resterò in vita? Ces lignes encore, écrites auprès d'études pour la Madone de la Chapelle des Médicis. Seul, je reste brûlant dans l'ombre. Quand le soleil dépouille le monde de ses rayons, chacun se réjouit et moi, étendu sur la terre dans la douleur, je gémis et je pleure. L'amour est absent des puissantes sculptures et des peintures de Michel-Ange. Il n'y a fait entendre que ses pensées les plus héroïques. Il semble qu'il ait eu honte d'y mêler les faiblesses de son cœur. À la poésie seule, il s'est confié. C'est là qu'il faut chercher le secret de ce cœur craintif et tendre sous sa rude enveloppe. Amando, a che son nato? J'aime. Pourquoi suis-je né? La Sixtine terminée et Jules II étant mort, Michel-Ange retourna à Florence et revint au projet qui lui tenait à cœur, le tombeau de Jules II. Il s'engagea par contrat à le faire en 7 ans. Pendant 3 ans, il se consacra presque exclusivement à ce travail. Dans cette période relativement tranquille, période de maturité mélancolique et sereine, où le bouillonnement furieux de la Sixtine s'apaise, comme une mère démontée qui rentre dans son lit, Michel-Ange produisit ses œuvres les plus parfaites. Celles qui réalisent le mieux l'équilibre de ses passions et de sa volonté, Moïse et les esclaves du Louvre. Ce ne fut qu'un instant. Le cours orageux de sa vie reprit presque aussitôt. Il retomba dans la nuit. Le nouveau pape, Léon X, entreprit d'enlever Michel-Ange à la glorification de son prédécesseur et de l'attacher au triomphe de sa maison. C'était pour lui une question d'orgueil plus que de sympathie, car son esprit épicurien ne pouvait comprendre le triste génie de Michel-Ange. Toutes ses faveurs étaient pour Raphaël, mais l'homme de la Sixtine était une gloire italienne. Léon X voulut la domestiquer. Il offrit à Michel-Ange d'élever la façade de Saint-Laurent, l'église des Médicis, à Florence. Michel-Ange, stimulé par sa rivalité avec Raphaël, qui avait profité de son éloignement pour devenir à Rome le souverain de l'art, se laissa entraîner dans cette nouvelle tâche qui lui était matériellement impossible d'accomplir sans négliger l'ancienne, et qui devait être pour lui une cause de tourment sans fin. Il tâchait de se persuader qu'il pourrait mener de front le tombeau de Jules II et la façade de Saint-Laurent. Il comptait se décharger du gros du travail sur une aide et n'exécuter lui-même que les statues principales. Mais, suivant son habitude, il se grisa peu à peu de son projet et bientôt il ne put plus souffrir d'en partager l'honneur avec un autre. Bien plus. Il tremblait que le pape ne voulût le lui retirer. Il supplia Léon X de le lier à cette chaîne nouvelle. Naturellement, il lui devint impossible de continuer le monument de Jules II. Mais le plus triste fut qu'il n'arriva pas davantage à élever la façade de Saint-Laurent. Ce n'était pas assez de rejeter tout collaborateur, avec sa terrible manie de vouloir tout faire par lui-même, par lui seul. Au lieu de rester à Florence et de travailler à son œuvre, il alla à Carrare, surveiller l'extraction des blocs. Il s'y trouva aux prises avec des difficultés de toutes sortes. Les Médicis voulaient utiliser les carrières de Pietrasanta, récemment acquises par Florence, de préférence à celles de Carrare. Pour avoir pris le parti des Carrarais, Michel-Ange fut injurieusement accusé par le pape de s'être fait acheter, et pour avoir obéi aux ordres du pape. Il fut persécuté par les Carrarais, qui s'entendirent avec les mariniers ligures. Il ne trouva plus une seule barque de Gênes à Pise pour transporter ses marbres. Il lui fallut construire une route, en partie sur pilotis, à travers les montagnes et les plaines marécageuses. Les gens du pays ne voulaient pas contribuer aux dépenses du chemin. Les travailleurs n'entendaient rien à leurs tâches. Les carrières étaient neuves, les ouvriers étaient neufs. Michel-Ange gémissait. « J'ai entrepris de réveiller les morts en voulant dompter ces montagnes et apporter l'art ici. Il tenait bon pourtant. Ce que j'ai promis, je l'exécuterai en dépit de tout. Je ferai la plus belle œuvre qui a jamais été faite en Italie. Si Dieu m'assiste. Que de force, d'enthousiasme, de génie perdu en vain. À la fin de septembre 1518, il tomba malade à Seravezza de surmenage et d'ennui. Il savait bien que sa santé et ses rêves se consumaient à cette vie de manœuvre. Il était obsédé par le désir de commencer à enfin son travail et, à l'inverse, de ne le pouvoir faire. Il était talonné par ses autres engagements auxquels il ne pouvait satisfaire. « Je meurs d'impatience parce que mon mauvais destin ne me permet pas de faire ce que je voulais. Je meurs de douleur. Je me fais l'effet d'un trompeur. » Bien que ce ne soit point ma faute. Revenu à Florence, il se rongeait en attendant l'arrivée des convois de marbre. Mais l'Arno était à sec, les barques chargées de blocs ne pouvaient remonter le fleuve. Enfin, elles arrivèrent. Va-t-il se mettre au travail cette fois? Non. Il retourne aux carrières. Il s'obstine à ne pas commencer avant d'avoir réuni, comme autrefois pour le tombeau de Jules II, toute une montagne de marbre. Il recule toujours le moment de commencer. Il en a peur, peut-être. N'a-t-il pas trop promis? Ne s'est-il pas engagé d'une façon téméraire dans ce grand travail d'architecture? Ce n'est point là son métier. Où l'aurait-il appris? Et maintenant, il ne peut plus avancer ni reculer. Tant de peines ne réussissaient même point à assurer le transport des marbres. Sur 6 colonnes monolithiques envoyées à Florence, 4 se brisèrent en route, une à Florence même. Il était la dupe de ses ouvriers. À la fin, le pape et le cardinal de Médicis s'impatientèrent de tant de temps précieux inutilement perdus au milieu des carrières et des chemins boueux. Le 10 mars 1520, un bref du pape délia Michel-Ange du contrat de 1518 pour la façade de Saint-Laurent. Michel-Ange n'en reçut avis que par l'arrivée à Pietrasanta des équipes d'ouvriers envoyées pour le remplacer. Il en fut cruellement blessé. « Je ne compte pas au cardinal, dit-il, les 3 ans que j'ai perdus ici. Je ne lui compte pas que je suis ruiné par cette œuvre de Saint-Laurent. Je ne lui compte pas le très grand affront que l'on m'a fait en me donnant cette commande et puis en me la retirant. Et je ne sais pas seulement pourquoi. Je ne lui compte pas tout ce que j'ai perdu et tout ce que j'ai dépensé. Et maintenant, cela peut se résumer ainsi. » Le pape Léon reprend la carrière avec les blocs taillés. Il me reste l'argent que j'ai en main, 500 ducats, et l'on me rend ma liberté. Ce n'étaient pas ses protecteurs que Michel-Ange devait accuser. C'était lui-même, et il le savait bien. C'était là la pire douleur. Il se débattait contre lui-même. De 1515 à 1520, dans la plénitude de sa force et débordant de génie, qu'avait-il fait? Le fade Christ de la Minerve, une œuvre de Michel-Ange où Michel-Ange n'est pas. Encore, ne put-il même pas l'achever. De 1515 à 1520, dans ces dernières années de la grande Renaissance, avant les cataclysmes qui allaient mettre fin au printemps de l'Italie, Raphaël avait peint les loges, la chambre de l'incendie, la Farnésine, des chefs-d'œuvre dans tous les genres. Élever la Villa Madame, diriger la construction de Saint-Pierre, les fouilles, les fêtes, les documents, gouverner l'art, fonder une école innombrable. Et il mourait au milieu de son travail triomphant. L'amertume de ses désillusions, le désespoir des jours perdus, des espérances ruinées, de la volonté brisée, se reflètent dans les sombres œuvres de la période suivante, les tombeaux des Médicis et les nouvelles statues du monument de Jules II. Le libre Michel-Ange, qui ne fit toute sa vie que passer d'un joug à un autre, avait changé de maître. Le cardinal Jules de Médicis, bientôt pape sous le nom de Clément VII, régna sur lui, de 1520 à 1534. On a été très sévère pour Clément VII. Sans doute, comme tous ses papes. Il voulut faire de l'art et des artistes les serviteurs de son orgueil de race. Mais Michel-Ange n'a pas trop à se plaindre de lui. Nul pape ne l'a autant aimé. Nul n'a témoigné un intérêt plus constant et plus passionné à ses travaux. Nul n'a mieux compris sa faiblesse de volonté, prônant au besoin sa défense contre lui-même et l'empêchant de se disperser en vain. Même après la révolte de Florence et la rébellion de Michel-Ange, Clément ne changea rien à ses dispositions pour lui. Mais il ne dépendait pas de lui d'apaiser l'inquiétude, la fièvre, le pessimisme, la mortelle mélancolie qui rongeait ce grand cœur. Qu'importait la beauté personnelle d'un maître? C'était toujours un maître. « J'ai servi les papes », disait Michel-Ange plus tard. Mais ce fut par contrainte. Qu'importait un peu de gloire et une ou deux belles œuvres? Cela était si loin de tout ce qu'il avait rêvé. Et la vieillesse venait, et tout s'assombrissait autour de lui. La Renaissance mourait. Rome allait être saccagée par les barbares. L'ombre menaçante d'un dieu triste allait peser sur la pensée de l'Italie. Michel-Ange sentait venir l'heure tragique, et il souffrait d'une angoisse étouffante. Après avoir arraché Michel-Ange à l'inextricable entreprise où il était embourbé, Clément VII résolut de lancer son génie dans une nouvelle voie où il avait l'intention de le surveiller de près. Il lui confia la construction de la chapelle et des tombeaux des Médicis. Il entendait le réserver entièrement à son service. Il lui proposa même d'entrer dans les ordres, lui offrant un bénéfice ecclésiastique. Michel-Ange refusa, mais Clément VII ne lui en paya pas moins une pension mensuelle, triple de celle qu'il demandait, et lui fit don d'une maison dans le voisinage de Saint-Laurent. Tout semblait en bonne voie, et le travail pour la chapelle était mené activement quand, tout à coup, Michel-Ange abandonna sa maison et refusa la pension de Clément VII. Il traversait une nouvelle crise de découragement. Les héritiers de Jules ne lui pardonnaient pas d'avoir abandonné l'œuvre entreprise. Ils le menaçaient de poursuites. Il mettait en cause sa loyauté. Michel-Ange s'affolait à l'idée d'un procès. Sa conscience donnait raison à ses adversaires et l'accusait d'avoir failli à ses engagements. Il lui semblait impossible d'accepter de l'argent de Clément VII tant qu'il n'aurait pas restitué celui qu'il avait reçu de Jules II. « Je ne travaille plus. Je ne vis plus », écrivait-il. Il suppliait le pape d'intervenir auprès des héritiers de Jules II, de l'aider à restituer tout ce qu'il leur devait. « Je vendrai, je ferai tout ce qu'il faudra pour arriver à cette restitution. » Ou bien qu'on lui permît de se consacrer entièrement au monument de Jules II. « J'aspire plus à sortir de cette obligation qu'à vivre. » À la pensée que, si Clément VII venait à mourir, il serait abandonné aux poursuites de ses ennemis, il était comme un enfant, il pleurait et se désespérait. Si le pape me laisse là, je ne pourrai plus rester dans ce monde. Je ne sais pas ce que j'écris, j'ai la tête complètement perdue. Charles VII, qui ne prenait pas très au sérieux ce désespoir d'artiste, insistait pour qu'il n'interrompît pas le travail de la chapelle des Médicis. Ses amis ne comprenaient rien à ses scrupules et l'engageaient à ne pas se donner le ridicule de refuser sa pension. L'un le secouait vivement pour avoir agi sans réflexion, et le priait à l'avenir de ne plus s'abandonner à ses lubies. L'autre lui écrivait « On me dit que vous avez refusé votre pension, abandonné votre maison et cessé votre travail. Cela me paraît un acte de pure folie, mon ami, mon compère. Vous faites le jeu de vos ennemis. Ne vous préoccupez donc plus du tombeau de Jules II et prenez la pension, car il la donne de bon cœur. » Michel-Ange s'obstinait. La trésorerie pontificale lui joua le tour de le prendre au mot. Elle supprima la pension. Le malheureux homme, aux abois, fut réduit quelques mois plus tard à redemander ce qu'il avait refusé. Il le fit d'abord timidement, avec honte. « Mon cher Giovanni, puisque la plume est toujours plus hardie que la langue, je vous écris ce que je voulais vous dire plusieurs fois, ces jours-ci, et que je n'ai pas eu le courage de vous exprimer de vive voix. Puis-je encore compter sur une pension, si j'étais certain de ne plus la recevoir? Cela ne changerait rien à mes dispositions. Je n'en travaillerai pas moins pour le pape autant que je pourrai, mais j'arrangerai mes affaires en conséquence. » Puis, traqué par la nécessité, il revient à la charge. Après avoir bien réfléchi, j'ai vu combien cette œuvre de Saint-Laurent tient d'accord au pape. Et puis sa sainteté m'a accordé d'elle-même une pension, dans le dessein que j'ai plus de commodité pour la servir promptement. Ce serait retarder le travail que ne pas l'accepter. J'ai donc changé d'avis, et moi, qui jusqu'à présent ne demandais pas cette pension, je la demande maintenant, pour plus de raisons que je n'en puis écrire. Voulez-vous me la donner en la faisant compter du jour où elle m'a été accordée? Dites-moi à quel moment vous aimez mieux que je la prenne. » On voulut lui donner une leçon. On fit la sourde oreille. 2 mois plus tard, il n'avait encore rien reçu. Il fut forcé de réclamer la pension plus d'une fois dans la suite. Il travaillait tout en se tourmentant. Il se plaignait que ses soucis fussent des entraves à son imagination. « Les ennuis peuvent beaucoup sur moi. » On ne peut pas travailler des mains à une chose et de la tête à une autre, surtout en sculpture. On dit que tout cela sert à m'aiguillonner, mais je dis que ce sont de mauvais aiguillons qui disposent à retourner en arrière. Il y a déjà plus d'un an que je n'ai reçu de pension, et je lutte avec la misère. Je suis très seule au milieu de mes peines, et j'en ai tant qu'elle m'occupe plus que l'art. Je n'ai pas les moyens d'avoir quelqu'un qui me serve. Clément VII se montrait parfois touché de ses souffrances. Il lui faisait exprimer affectueusement sa sympathie. Il l'assurait de sa faveur, aussi longtemps qu'il vivrait. Mais l'incurable frivolité des Médicis prenait le dessus. Et, au lieu de le décharger d'une partie de ses travaux, il lui faisait de nouvelles commandes, entre autres celle d'un absurde colosse dont la tête eût été un rocher et le bras une cheminée. Michel-Ange dut s'occuper quelque temps de cette idée baroque. Il lui fallait être constamment aux prises avec ses ouvriers, ses maçons, ses charretiers, qu'essayaient de débaucher des apôtres précurseurs de la journée de 8 heures. En même temps, ses ennuis domestiques ne faisaient que croître. Son père devenait plus irritable et plus injuste avec l'âge. Un jour, il s'avisa de s'enfuir de Florence en accusant son fils de l'avoir chassé. Michel-Ange lui écrivit cette lettre admirable. « Très cher père, j'ai été bien surpris hier de ne pas vous trouver à la maison. Et maintenant que j'apprends que vous vous plaignez de moi et que vous dites que je vous ai chassé, je m'étonne encore plus. Depuis le jour où je suis né jusqu'à aujourd'hui, je suis certain de n'avoir jamais eu l'intention de faire chose grande ou petite qui vous déplût. Toutes les peines que j'ai supportées, je les ai toujours supportées par amour de vous. J'ai toujours pris votre parti. Il y a peu de jours encore, je vous disais et je vous promettais de vous consacrer toutes mes forces aussi longtemps que je vivrai. Et je vous le promets de nouveau. Je suis stupéfait que vous ayez si vite oublié tout cela. Depuis 30 ans, vous m'avez éprouvé, vous et vos fils. Vous savez que j'ai toujours été bon pour vous autant que je le pouvais, en pensée et en action. Comment pouvez-vous aller répéter partout que je vous ai chassé? Ne voyez-vous pas quelle réputation vous me faites? Il ne me manque plus rien à présent, avec mes autres soucis. Et tous ces soucis, je les ai par amour pour vous. Vous m'en récompensez bien, mais qu'il en soit ce qui voudra, je veux me persuader à moi-même que je n'ai jamais cessé de vous causer honte et dommage. Et je vous en demande pardon, comme si je l'avais fait. Pardonnez-moi, comme à un fils qui a toujours mal vécu et qui vous a fait tout le mal qu'on peut faire en ce monde. Encore une fois, je vous en prie, pardonnez-moi comme à un misérable que je suis, mais ne me donnez pas cette réputation que je vous aurais chassée, car ma réputation m'importe plus que vous ne croyez, malgré tout. Je suis pourtant votre fils. » Tant d'amour et d'humilité ne désarmaient qu'un instant l'esprit aigri du vieillard. Quelque temps après, il accusait son fils de le voler. Michel-Ange, poussé à bout, lui écrivit. « Je ne sais plus ce que vous voulez de moi. S'il vous est à charge que je vive, vous avez trouvé le bon moyen pour vous débarrasser de moi, et vous rentrerez bientôt en possession des clés du trésor que vous prétendez que je garde. et vous ferez bien, car chacun sait à Florence que vous étiez un homme immensément riche, que je vous ai toujours volé et que je mérite d'être châtié. Vous serez hautement loué. Dites et criez de moi tout ce que vous voulez, mais ne m'écrivez plus, car vous ne me laissez plus travailler. Vous me forcez à vous rappeler tout ce que vous avez reçu de moi depuis 25 ans. Je ne voudrais pas le dire, mais je suis bien forcée de le dire à la fin. Prenez bien garde. On ne meurt qu'une fois, et on ne revient plus après, pour réparer les injustices qu'on a faites. Vous avez attendu jusqu'à la veille de la mort pour les faire. Dieu vous aide. » Tel était le secours qu'il trouvait chez les siens. « Patience, soupirait-il dans une lettre à un ami, que Dieu ne permette point que ce qui ne lui déplaît pas me déplaise. » Au milieu de ses chagrins, le travail n'avançait pas. Quand survinrent les événements politiques qui bouleversèrent l'Italie en 1527, pas une statue de la chapelle des Médicis n'était prête. Ainsi, cette nouvelle période de 1520 à 1527 n'avait fait qu'ajouter ses désillusions et ses fatigues à celles de la période précédente, sans avoir apporté à Michel-Ange la joie d'une seule œuvre achevée, d'un seul dessin réalisé, depuis plus de 10 ans.